Tu tâches, qu'est-ce que tu m'en fais? J'espère encore que cela peut s'arranger. Qu'après la guerre, tu me diras qu'en fait, c'était quelqu'un d'autre qui te montait la tête. C'est bon, t'as compris, maintenant tu regrettes. J'espère encore me tromper, hein, comme je t'ai toujours trompé. Hein. J'espère que tu as sombré, hein, plus que t'as déjà sombré. Combien de larmes étaient fausses? Ça fait longtemps que tu t'armes et d'émotions. Pour me faire pitié, saloperie de putain, c'est toi le démon. Les cieux vont régler ton compte, surveille bien la météo. C'est pas une affaire d'ego, t'as pas le niveau. Tu ne sais qu'inventer des histoires où tu te fais les vieux. Toujours été la ratée ta famille. J'ai fait en sorte que maintenant ils te bannissent. J'ai fait en sorte que maintenant ils t'haïssent. J'ai fait en sorte que tu restes dans l'abîme. J'vais leur montrer la manipulatrice. Salope au chômage qui les parasite. J'vais leur avouer toutes tes fausses maladies. Tous les deux mois tes menaces de suicide. Ça fait longtemps que je t'aurais tout dit. Ça fait longtemps que je t'aurais tout pris. Aussi longtemps que tu serais dans l'oubli. J'espère tu sais que t'avais la vie facile. Je te baisais plus mais que t'étais mon ami. Anorexie que de trop de jalousie. Tes deux issues sont la mort ou l'asile. Faut que tu pars. Faut que tu me lâches. Faut que tu vois ce que tu fais. Faut que tu t'arrêtes pour la suite. Tes larmes suffiront pas l'enfer qui arrive. Pourquoi tu nous fais ça? Arrête de menacer. Prends trop de médoc une bonne fois pour toutes. Tu vas manquer personne. Tu manqueras personne. Le diable en personne. Tu manqueras personne. Pourquoi tu nous fais ça?